question que je vous posais me semble essentielle. Voilà, il s'agit de votre avenir et certainement de celle de votre famille également, et aussi même de cette cause que vous défendez. Alors la déchéance de nationalité, je le disais, ça peut être l'arme fatale quelque part, ou pas, en fonction de comment on regarde. Est-ce que vous y pensez de voir qu'un matin la France pourrait vous retirer cette nationalité française-là et que vous vous retrouvez dans une situation qui pourrait pour certains être compliquée? Alors, d'abord, je voudrais vous faire remarquer que notre loi dans notre pays natal, le Cameroun, qui retire la nationalité d'office à ceux qui acquièrent une autre nationalité, est une loi qui est injuste parce qu'elle ne s'applique pas à tous les Camerounais et même à toutes les Camerounaises au même titre. C'est la première remarque que je voulais vous faire. J'espère que vous savez que cette loi s'applique essentiellement aux hommes camerounais qui ont acquis une autre nationalité étrangère. Une autre nationalité que la nationalité camerounaise. Donc, déjà, c'est un vrai problème qu'il y ait une loi dans notre pays natal qui discrimine entre les Camerounaises et les Camerounais. Et n'oubliez quand même pas que, de facto, plusieurs personnalités dans notre pays bénéficient de plusieurs nationalités. Donc, ce n'est pas une loi qui est appliquée sérieusement. Mais je veux répondre au fond de votre question pour ce qui concerne la France. Je vous en informe, mon cher Guy Fondop, si M. Macron poussait le bouchon de la dictature jusqu'à me faire retirer la nationalité française, je ne demanderai pas qu'on me la rétablisse. Mon pays natal, le Cameroun, eh bien, je considère, je suis juré national camerounais, si M. Macron me retirait d'autorité la nationalité française, écoutez, je n'aurais pas d'autre choix que d'aller à l'ambassade du Cameroun à Paris, d'ailleurs, j'irai bientôt à l'ambassade du Cameroun à Paris, demander qu'on me donne mes papiers camerounais. Ça, c'est la première chose que je ferais, Guy Fondop. Si M. Macron poussait jusqu'à me retirer la nationalité française, je ne supplierais pas M. Macron pour la rétablir. J'irai chercher les papiers de ma nationalité camerounaise, qui est mon premier droit sur la terre. Et si mon pays natal, le Cameroun, ne me donnait pas, dans ces conditions-là, les papiers auxquels je dois avoir droit, puisque des centaines, des milliers de Camerounais ont de fait plusieurs nationalités avec l'approbation du gouvernement actuel. Je vous en informe, Guy Fondop, il y a plusieurs pays africains qui me délivreront leur nationalité. Je suis convaincu que si je demande au Mali de me donner, si je demande la nationalité malienne, le président Goïta me la donnera. Si je demande la nationalité burkinabé, le président Ibrahim Traoré me la donnera. Si je demande la nationalité centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra me la donnera. Donc, c'est le scoop de cette émission. Si, d'abord, j'irai demander mes papiers camerounais à l'ambassade du Cameroun à Paris bientôt, je n'attendrai pas M. Macron pour aller demander aux autorités camerounaises de me redonner mes papiers. Si les autorités camerounaises refusent de me donner les papiers auxquels je dois avoir droit comme tout Camerounais de naissance, eh bien, je vais m'adresser au gouvernement panafricaniste authentique. Et Guy Fondop, je viendrai ici vous montrer mes papiers. Je pourrais même me retrouver avec 5 ou 6 ou 7 nationalités africaines en une semaine. Mais je commencerai par demander aux autorités de mon pays natal de me donner mes papiers camerounais de telle façon que M. Macron sache que je ne suis pas apatride, y compris en conservant la nationalité française. Voilà la réponse franche que j'apporte à cette question. Je vous en informe, la semaine prochaine, j'irai à l'ambassade du Cameroun déposer un courrier à l'adresse des autorités camerounaises pour leur demander de me donner les éléments me permettant, les papiers officiels me permettant de jouir de ma nationalité camerounaise native parce que je suis menacé en France. Et qu'à tout moment, effectivement, tout peut arriver. Donc, je me prépare à cela et je ferai cette demande de manière solennelle au président Biya, au gouvernement camerounais. Je lui ai dit, voilà, je suis citoyen natif de père et de mère du Cameroun. Vous avez mis en place en 68 une loi qui fait que vous reconnaissez tantôt à certains et tantôt vous ne reconnaissez pas à d'autres la double nationalité. Moi, je vous demande, au regard des menaces que je subis en France, de me rendre un passeport camerounais, de me rendre une pièce d'identité camerounaise en vertu de ma naissance camerounaise. Je vous le demande parce que je ne veux pas le demander à d'autres pays africains sans avoir demandé à mon pays natal. Si mon pays natal refuse, je vais le demander au Mali, je vais le demander au Burkina, je vais le demander en Centrafrique, je vais le demander en Namibie, en Afrique du Sud, et j'aurai beaucoup de nationalités africaines. je vais commencer par mon pays natal, le Cameroun, et vous serez témoin de cette démarche. Donc, M. Macron ne me fait pas peur. Ces menaces de retrait de nationalité française ne m'effraient pas du tout, car de toutes les façons, nous, Africains, nous avons tout vu sur la terre. Un proverbe africain dit « On n'effraie pas une femme enceinte avec un doigt de banane ». Une femme enceinte n'a pas peur d'un doigt de banane, elle a déjà tout vu. Et les Ivoiriens disent encore « Cabri mort n'a pas peur de couteau ». Notre génération veut la libération radicale de l'Afrique. Ce n'est pas un problème de nationalité ou de papier, c'est un problème de principe. Nous sommes les derniers Africains à accepter d'être écrasés par le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental ou le despotisme nègre. Nous en avons marre de servir de serpillière aux autres. Nous sommes les nouveaux acteurs de notre propre histoire et c'est en cela que je loue le travail fondamental de votre chaîne, notre chaîne Afrique Média. À vous, professeur Franck Régnier, si on va bientôt sortir de cet entretien, mais en revenant au cas de la République centrafricaine que vous avez cité, ça pourrait effectivement être une piste, parce que si vous avez une nationalité centrafricaine, même en conservant votre nationalité française, vous aurez au moins la possibilité d'ouvrir un compte, voilà, dans la zone CEMA, qui vous permettrait, pourquoi pas, de recevoir vos virements à l'étranger, de par même l'université, et à partir de l'université, voilà, et continuer notamment à lutter pour vos convictions qui vous tiennent à cœur et d'ailleurs qui ont façonné votre personnalité, comme vous l'avez pu le dire et comme d'ailleurs on le sait de vous. Je vais simplement vous demander si vous pensez à cette hypothèse et par la suite je vous remercierai simplement voilà de nous avoir accordé cet échange franc et sincère pour aborder une situation qui, on l'a dit, pourrait littéralement influencer cette cause cette lutte néo-panafricaniste, parce que beaucoup d'acteurs sont dans votre position et voilà, pour certains n'oseraient peut-être plus contester parce que effectivement l'épée de Damoclès est là. Eh oui. En tout cas, vous avez bien compris la profondeur et la gravité de la situation, Guy Fondop. Nous sommes dans une barque dans laquelle c'est unis ensemble que nous vaincrons. Un pour tous pour un, ça c'est la loi qui désormais lie les panafricanistes authentiques. Et c'est cette loi qui doit lier les peuples africains. Avec cette loi, l'Afrique redeviendra le berceau de l'humanité, mais également son temple dans le siècle aujourd'hui engagé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Merci, merci Guy. Merci. Afrique Média, le monde, c'est nous.